de l'histoire, Xavier Mauduit. Au service de sa majesté, les chevaliers espions, le chevalier Déon. Il est des individus qui marquent leur siècle et qui sont marqués par leur siècle. Puis ils traversent le temps, c'est le cas du chevalier Déon. Fascinant personnage, un homme ou une femme, un diplomate ou un espion. Oui, sans contrefaçon, voici les espions des Lumières. Stéphane Genet, bonjour. Bonjour. Au moment de parler des espions des Lumières, il y a toujours l'interrogation de savoir si le focus sur une période, là nous sommes au 19e siècle, est un effet loupe ou bien est-ce vraiment une particularité au sens où ces espions des Lumières sont-ils très différents des espions du temps d'avant ? Oh, il y a une certaine continuité. Au XVIIIe siècle, en fait, les espions reprennent un certain nombre de fondamentaux de l'action secrète et du rôle de l'espion tel qu'on peut la connaître depuis l'Antiquité. En revanche, il y a quand même une très grande spécificité de ce siècle qui est liée au portrait de ces espions et à leur caractère. En fait, c'est un siècle où on compte beaucoup d'aventuriers, de gens un peu fantasques, très intéressants, originaux, et je pense que c'est la grande spécificité de ce siècle, avec aussi le fait qu'on arrive à un début de structuration des services. Et ça aussi, ça annonce la suite, c'est-à-dire le 19e siècle. Alors, avec en plus le fait que c'est quand même une époque très guerrière, le 18e siècle. On l'oublie, mais le règne de Louis XV est marqué très largement par la guerre, en fait. Oui, parce que c'est le cocktail dont nous avons besoin pour saisir cette histoire d'espion. Et dans ce cocktail, il y a de la guerre. Il y a de la diplomatie aussi. Et puis l'organisation, alors le mot réseau est peut-être un tout petit peu trop ambitieux, mais l'idée de guerre et de diplomatie sont essentielles pour comprendre le développement de ces réseaux, de l'espionnage. Et le 18e siècle est parfait pour cela. Oui, alors des réseaux, il y en a. À la différence des réseaux contemporains, les réseaux du 18e siècle sont des réseaux personnels, c'est-à-dire qu'ils sont attachés généralement à des ministres. Donc il y a le réseau du secrétaire d'État à la guerre, le réseau de celui des affaires étrangères, le réseau du souverain. Chaque officier général a son propre réseau, et ce sont des réseaux qui sont vraiment personnels, parce que on aura certainement l'occasion d'en reparler, mais l'information apportée par l'espion est un élément de pouvoir, en fait. L'information permet de se mettre en avant, de se mettre en valeur, d'être bien vu de la part de ses supérieurs et évidemment du monarque. Et donc, évidemment, un bon espion, un bon réseau, ça se garde et ça ne se communique pas. Donc, en fait, on n'est pas encore dans cette logique de centralisation des réseaux. En revanche, des réseaux, il y en a de multiples, qui sont parfois concurrents, ce qui est assez amusant d'ailleurs dans certains territoires. Moi, j'ai des exemples d'agents du ministre de la guerre qui croisent des agents du ministre des Affaires étrangères en terre polonaise, et ils se regardent, ils doutent que l'autre est aussi un espion, mais ils n'en sont pas vraiment sûrs. Donc des réseaux, oui, très nombreux. En revanche, pas encore au sens moderne de la chose, c'est-à-dire centralisé et obéissant à une puissance étatique, en fait. Les espions des Lumières. Action secrète et espionnage militaire sous Louis XV, c'est le titre de votre ouvrage, Stéphane Genet, publié chez Nouveau Monde, un ouvrage issu de votre thèse, une thèse sous la direction de Lucien Belli. Oui, absolument. Bah, c'est évidemment quand j'ai voulu travailler sur cette question de l'espionnage, en fait, je me suis adressé à l'historien qui avait sorti ce sujet, en fait, qui était Lucien Belli, avec espion et ambassadeur au temps de Louis XIV. Et évidemment, je ne pouvais pas étudier l'époque de Louis XIV puisque j'estimais qu'il l'avait très bien fait. Donc, j'ai proposé de faire la suite, en fait, d'étudier l'époque de Louis XV. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire ma thèse sous la direction de Lucien Belli. Et c'était vraiment un honneur, puisque voilà, c'est un très grand historien. Ah bah oui, ça, espion et ambassadeur au temps de Louis XIV, Lucien Belli, que nous saluons. Et justement, dans la démarche historique, il y a toujours l'idée de comparer. Louis XIV avait été étudié, l'espionnage sous Louis XIV avait été étudié par Lucien Belli, vous l'avez étudié sous Louis XV. Quelles sont les différences ? En fait, je pense qu'on arrive à une forme d'adaptation à l'époque, c'est-à-dire que sous Louis XV, il y a un peu plus de modernité dans l'action, c'est-à-dire que on voit notamment des avancées technologiques intéressantes qui se développent. On est vraiment à l'époque des Lumières avec des expériences. Par exemple, il y a une machine à chiffrer des messages. Bon, c'est un peu l'énigme avant l'heure. On voit des espions qui sont plus dans cette logique des aventuriers, à la Casanova, à la Déon, effectivement, à tous ces aventuriers qui parcourent l'Europe, qu'on n'a pas vraiment à l'époque de Louis XIV. On a des prémices, mais on les a pas vraiment, on les a beaucoup plus au XVIIIe siècle. Et il y a ce décrochage aussi assez net par rapport à la diplomatie qui s'opère au XVIIIe siècle, puisque beaucoup d'espions sont clairement dans le registre militaire, beaucoup plus peut-être que à l'époque de Louis XIV, où on a un lien plus net avec la diplomatie. Oui, c'est ça. Dès qu'il est question d'espionnage, la définition est très difficile parce que un ambassadeur est quelque part un espion officiel. Et dès lors, il y a des noms qui surgissent. Stéphane Genet, vous en avez cité un, c'est le chevalier Déon. Évelyne Levert, bonjour. Bonjour. Le chevalier Déon, vous lui avez consacré un ouvrage, Le chevalier Déon, une vie sans queue ni tête, signé avec Maurice Levert, votre époux. Justement, une vie sans queue ni tête, sur la couverture, c'est entre guillemets, pourquoi? Oui, parce que c'est lui-même qui l'a dit, et c'est absolument incroyable, parce que ce qui a fait la célébrité de Déon, c'est qu'il ait vécu 49 ans comme un homme et 33 ans comme une femme. Mais lorsqu'on s'est posé la question de son identité sexuelle, c'était déjà un personnage célèbre, un personnage qui avait défrayé la chronique par les scandales qu'il avait causé, et c'était en réalité, je dirais, un diplomate qui s'est fait sur le tas, si on peut dire, et qui est devenu aussi un agent de renseignement et qui a fait partie de ce qu'on appelle le secret du roi, c'est-à-dire la diplomatie secrète de Louis XV. Et cette diplomatie secrète de Louis XV, elle avait été créée dans les années, à la fin des années 1740, au début des années 1750, entre le roi et le prince de Conti, un cousin éloigné. Le prince de Conti souhaitait avoir la couronne de Pologne, parce que le royaume de Pologne était un royaume qui n'était pas héréditaire, comme chacun sait, c'était un royaume électif. Et le prince de Conti donc briguait ce royaume. Il espérait qu'à la mort du roi de Saxe, qui était en même temps roi de Pologne, il l'obtiendrait. Louis XV était tout à fait d'accord, et Louis XV avait l'intention de créer une sorte de triple alliance entre la Suède, la Pologne et la Turquie, de façon à repousser les ambitions à la fois de l'Autriche et de la Russie. Et il avait créé avec le prince de Conti une diplomatie particulière, une diplomatie secrète, avec des agents qui ne se connaissaient pas entre eux, qui pouvaient être de véritables diplomates, et les ministres n'étaient pas avertis de ce secret et du réseau qui s'était constitué, ce qui a créé évidemment beaucoup de conflits par la suite, de conflits mineurs bien entendu, parce que les ministres ne savaient pas ce que la diplomatie secrète du roi avait décidé. Alors c'est là que Déon commence une carrière. Déon, c'est un petit jeune homme qui vient de la ville de Tonnerre en Bourgogne. Il aspire à être quelque chose. Il est orphelin très tôt. Et il se réfugie auprès de Berthier de Sauvigny, qui est l'intendant de Paris. Berthier de Sauvigny est-elle le protecteur de sa famille. Déon a fait des études de droit et il obtient un petit poste de secrétaire à l'intendance de Paris, ce qui lui permet d'avoir c'est une sinécure, et il lit énormément. Il acquiert une culture extraordinaire. Il est charmant. Il va dans les salons des Lumières. On le remarque. Il a un humour extraordinaire. Et puis une plume fantastique. Et il est remarqué, justement, il va aussi chez le prince de Conti. Et en quelques années, il se fait un réseau de relations. Il est remarqué par le prince de Conti. Et le prince de Conti veut l'employer, justement, veut l'envoyer en mission en Russie. Alors, parce que à ce moment-là, Louis XV, il y a eu le renversement des alliances. Alors que avant c'était la Prusse et la France qui étaient alliées, là on inverse les choses et la France et l'Autriche signent un traité, le traité de Versailles en 1756, et Louis XV veut absolument que la Russie entre dans une triple alliance. Et on envoie donc une mission qui est une mission absolument ahurissante en Russie pour avoir l'alliance de la tsarine Élisabeth. Le renversement des alliances n'est pas rien dans l'histoire. L'Autriche a été tellement longtemps l'ennemi, ça y est, à partir de 1756, l'Autriche est notre amie et l'alliance avec la Russie serait bien arrangeante dans cette histoire. C'est pourquoi le chevalier Déon part en Russie. Voilà la lettre que vous remettrez en main propre à l'impératrice. Je vous confie un peu de l'avenir de la France. Quels que soient les détours où vous serez obligés, ne l'oubliez pas. En somme, vous allez enfanter la paix au fond d'elle. Bon, madame. Oh, ne vous fâchez pas. N'est-ce pas là aussi que l'on donne la vie? Je vous aime encore plus quand vous essayez d'être un bon roi. Allez, monsieur, et choisissez parmi vos amis un compagnon de route. Deux épées valent mieux qu'une. Sire. Quoi donc? J'étais si content de suivre mon escadron en Lorraine. Mon service vous appelle ailleurs. Et puis me déguiser en femme. Ne vous inquiétez pas. Mes robes sont ravissantes, elles vous iront très bien. Une certaine personne va vous donner les dernières instructions. Il y a là un petit cabinet fort pratique. Et mes draps sont de la plus fine batiste. Oh, venez, Louis. Nous allons être indiscrets. Adieu, monsieur. Nous aimons ceux qui, comme vous, nous servent fidèlement. Avec leurs armes les plus secrètes. Ah, les secrets du chevalier Déon en 1959. C'est une fiction avec Jacqueline Audry. Juste, Stéphane Genet, dans ce que nous entendons, le chevalier Déon est envoyé en Russie. Mais qui est-il en fait? Est-ce un diplomate ou un espion? C'est cette définition qui est très complexe au XVIIIe siècle. Absolument. La difficulté, c'est que en fait, on a la diplomatie d'un côté, l'espionnage de l'autre. Et la frontière entre les deux est assez poreuse. Si on regarde les traités des juristes, ils disent tous l'espion est... Le diplomate est un honorable espion. C'est le seul espion qui est autorisé. Et effectivement, il y a des lettres de créance, il y a des accords, il y a toute une législation qui autorise la diplomatie entre les différentes cours. Ce qui fait que, voilà, il y a des règles précises. L'espionnage, c'est tout ce qui sort de ces règles-là. Et évidemment, on attend des diplomates qu'ils envoient des informations à leur souverain, à leur prince, et c'est ce qu'ils font. En revanche, pour d'autres aspects, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, évidemment, ils n'hésitent pas à avoir recours aux espions pour compléter le reste, disons. Ça, c'est, je dirais, de l'information générale, un peu stratégique sur les différents pays. En revanche, après, quand il s'agit de faire des campagnes militaires, on va avoir recours à des gens qui ne sont pas des diplomates, mais qui peuvent s'appuyer sur le réseau des diplomates sur place, puisque les diplomates, évidemment, doivent servir leur souverain et donc n'hésitent pas à fournir des informations, à fournir des réseaux aussi sur place, et donc de permettre aux agents secrets, aux espions qui ont à espionner dans le cadre d'une campagne militaire par exemple, des informations ou du soutien ou de l'appui. Par exemple, les diplomates peuvent permettre des filières d'évasion, et ils le font assez régulièrement d'ailleurs. Et des négociations extrêmement fines et précises. C'est le cas du chevalier Déon en Russie, Evelyne Levert. Parce que, nous l'avons entendu dans le son, il y a cette fascination pour le chevalier Déon parce que, bien souvent, c'est une femme qui le joue. Alors que en Russie, tout ça, nous sommes très très loin de ça. Très très loin de ça. Et, bon, je dis tout de suite, le chevalier Déon est un homme, ça on le sait. Il y a une autopsie qui est très claire. Alors, on a beaucoup romancé et lui-même... a romancé, c'est un mythomane, et il a romancé son histoire. Et il a dit qu'il était parti et qu'il avait servi le roi sous le costume féminin. Donc tout ça, c'est du roman. En réalité, il est parti. Alors, il y avait en Russie, où il fallait renouer les relations diplomatiques avec la Russie. Et en Russie, on avait à Saint-Pétersbourg un informateur qui était un marchand, qui s'appelle Michel, et ce marchand parlait russe, et il envoyait en France des fourrures, et puis également des pierres précieuses, et puis d'autre part, eh bien, il ramenait de France un certain nombre de colifichets, de vêtements, etc. Et on avait des informations par ce Michel, qui était quand même bien implanté et qui avait des relations lui-même avec l'aristocratie et qui vendait aussi vraisemblablement à la cour. Alors, on envoie tout d'abord, ce qui paraît complètement fou, on envoie un jacobite qui était dans l'entourage du prince de Conti, cet écossais qui s'appelle Douglas Mackenzie, et il est envoyé d'abord pour faire le point, pour prendre contact avec le chancelier russe. Alors il y a un vice-chancelier qui est favorable à une alliance française et un chancelier qui n'est pas favorable à l'alliance française, mais au contraire à l'alliance anglaise. Donc il prend les contacts et on lui dit de revenir avec une accréditation officielle. Donc Douglas Mackenzie revient en France, il a son affectation officielle et il demande d'avoir un secrétaire, et ce secrétaire, ce sera Déon. Et donc Déon part pour Saint-Pétersbourg, il ne parle pas le russe, mais il faut quand même savoir qu'à la cour, il y a quand même l'impératrice elle-même, Elisabeth, parle le français. Déon essaye d'apprendre un peu le russe, mais enfin on se rend compte que ça ne marche pas, mais peu importe, il se débrouille quand même. Alors, ils ont une double mission, il s'agit de négocier, alors qu'ils sont absolument pas préparés à ça, il s'agit de négocier un traité d'alliance entre la France, la Russie et l'Autriche. Bon. Et c'est un traité qui va s'élaborer en secret. Et d'autre part, eh bien, pour le prince de Conti, on doit engager des négociations secrétissimes pour tenter de lui obtenir une couronne, soit la couronne de Courlande, soit la couronne de Pologne. Alors, ça échouera complètement, cette affaire-là. Mais néanmoins, le traité avec la Russie, eh bien, on arrive, et ce sont ces apprentis diplomates qui arrivent à concrétiser ce traité. On va le reporter à Louis XV. Louis XV ne le trouve pas à son goût et on revient à Saint-Pétersbourg et on retourne. Et c'est finalement Déon qui apporte en personne son traité au roi. Et ce qui est vraiment une promotion fantastique. Et bien que le prince de Conti est en disgrâce, mais le secret continue d'exister. Parce que Louis XV veut absolument maintenir l'indépendance de la Pologne. Et pour cela, eh bien, il a besoin de l'alliance russe, mais il faut quand même surveiller, parce que la Russie a des vues aussi sur la Pologne. Et justement, dans cette construction, nous entendons énormément de personnages qui interviennent. Donc évidemment, il y a les souverains, il y a ces diplomates qui sont proches des espions, il y a des marchands aussi, et c'est très intéressant pour réfléchir à qui est espion. Stéphane Genest, justement, dans ce monde secret, complexe, celui des espions des Lumières, évidemment, il n'y a pas un profil type d'espion. Cela peut prendre toutes les formes possibles. En fait, c'est la fin qui justifie la posture de l'espion. C'est ça. En fait, il faut bien comprendre que l'espionnage est une histoire populaire. C'est-à-dire que vraiment, on peut avoir de tous les niveaux sociaux, de toutes les catégories qui vont faire de l'espionnage. Alors, il y a ceux qui font de l'espionnage contraint, c'est-à-dire que ils vont se retrouver embarqués par le chef de guerre qui a besoin d'une information, et donc ils demandent aux paysans du coin s'ils ont vu une armée de l'autre côté de la colline. Le bourgeois dont on saisit la femme et les enfants et on menace de brûler la maison s'il ne va pas dans le camp ennemi avec un soldat qu'on déguise en domestique pour prendre le maximum d'informations. Alors ce qui est assez amusant, c'est que le bourgeois en question, il doit aller se plaindre des mauvaises conditions faites par les troupes françaises et donc permettre à son pseudo de domestique de tout observer dans le camp des ennemis. C'est Frédéric de Prusse qui conseille cette stratégie. Et effectivement, ça va de grands aristocrates, du marchand local. Alors les marchands, c'est formidable parce que les marchands continuent leur activité. Il faut bien imaginer qu'au XVIIIe siècle, on n'a pas du tout de rupture des relations commerciales en temps de guerre. Donc ils continuent leur activité et il y a beaucoup d'expatriés français. Et les expatriés vont être utilisés, alors il y a un marchand de chapeaux par exemple, qu'on va utiliser à Kassel en Allemagne en 1760 et qui est installé là depuis 17 ans. Alors bah, c'est formidable parce que bah, il parle la langue, il a des réseaux locaux et il va fournir un espion tout à fait intéressant. Donc les marchands, c'est très très intéressant aussi pour faire des boîtes à lettres. C'est-à-dire que par exemple des banquiers peuvent recevoir du courrier sans susciter la suspicion des ennemis. Parce que recevoir beaucoup de courriers, c'est suspect. Donc évidemment, un marchand, lui, par son négoce, est amené à recevoir beaucoup de courriers. Donc on a vraiment une palette assez incroyable de métiers. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'on a la description type de l'espion attendu. C'est-à-dire que quand on lit les ouvrages, par exemple, Destination des officiers, on fait tout le portrait des espions. Et alors on dit, voilà, un espion doit être intelligent, il doit parler plusieurs langues, il doit être d'un âge et d'une condition lui permettant de réaliser parfois des opérations un peu périlleuses. Bref, on a toute une série de qualités, mais dans les faits, bon, c'est assez rare de trouver un espion qui correspond à ces descriptions. Donc, eh ben, on fait avec le tout venant, quoi. On fait feu de tout bois. Et j'en profite, vu que nous parlons des marchands qui peuvent se faire espions, pour évoquer justement l'espionnage industriel, parce que ces marchands se font espions. Alors ils peuvent observer ce qui se passe dans une ville, dans un pays, des mouvements de troupes par exemple, mais ils peuvent observer aussi ce que font les petits collègues. Absolument, et d'ailleurs ils font les deux, ils font généralement les deux, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas, surtout quand ils sont envoyés en mission, à aller s'enquérir de ce que font les uns et les autres, par exemple en termes de technologie, ou parfois, alors les spécialistes de tout ça, de l'espionnage industriel au XVIIIe siècle, sont les Anglais. Et les Anglais s'intéressent bien sûr à tout ce qui est relatif à la marine, et donc ils n'hésitent pas à envoyer des spécialistes faire le tour des ports pour voir s'il y a des nouveautés en termes de construction de bateaux, ou évidemment pour la France, c'est des nouveautés en termes de fortification. Et donc ils recrutent des gens qui sont souvent d'ailleurs des capitaines, à faire le tour des ports. Et alors c'est assez amusant parce que quand on lit leur rapport, enfin pas leur rapport mais leur ordre de mission, il y a marqué allez voir ça à tel lieu, ça ne pas y aller parce qu'on sait déjà ce qu'il y a. Et donc ça montre tous les renseignements dont ils disposent déjà. Au service de sa majesté. C'est les chevaliers espions, le chevalier Déon. Le 3 juillet cette année-là, le roi offrit un bal resté fameux qu'il avait voulu noir et blanc. Toutes les femmes étaient en blanc, tous les hommes étaient en noir. Ce fut une comédie libertine et galante qui pourrait être intitulée La méprise amoureuse. France Culture. Et si je vous disais que je suis le chevalier Déon ? Oh. Quoi ? Je ne vous croirais pas. Le cours de l'histoire. Et pour quelle raison ? Parce que je suis précisément... Xavier Mauduit. Le chevalier Déon. Quoi ? Ses épaules nues sont celles d'un garçon ? Quoi ? C'était dans le « Si Versailles m'était compté », le film de Sacha Guitry en 1954, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Quand il est question du chevalier Déon, nous avons évoqué sa mission en Russie. Se vivait-il comme un espion, Evelyne Levert ? Avait-il l'impression d'être un espion ? Mais il n'est pas un espion, enfin je pense que vous ne me contredirez pas. C'est un diplomate officiel, mais il est chargé d'une mission secrète de la part du roi, puisqu'il fait partie du secret, et en particulier c'est lui qui fait transiter les lettres personnelles de Louis XV avec Élisabeth la tsarine. Et il y a quelques lettres, il n'y en a pas beaucoup, qui n'apportent pas de grand intérêt sur le plan politique, mais enfin c'est lui qui achemine cette correspondance secrète dans un exemplaire de l'esprit des lois, dans un des plats de ce livre où on glissait les lettres des deux souverains. Mais ça n'a pas changé grand chose à la diplomatie. Mais Déon était quand même, savait exactement, il a fini par savoir en quelques années, ce qu'était la Russie, comment fonctionnait le système. Et ça, il le dit, mais il se conduit après tout comme un diplomate officiel. Il a appris son métier, disons, sur le tas. Et là, on en voit quand même un véritable diplomate, qui est le marquis de l'Hôpital, un vieux diplomate tout à fait charmant, qui ne connaît rien, lui, à la Russie, alors que c'est le petit Déon qui sait tout, enfin entre guillemets, qui sait beaucoup de choses sur la Russie. Le marquis de l'Hôpital, eh bien, ne sait rien. Et il ignore que Déon sait beaucoup de choses et qu'il appartient au secret du roi. Ça, le marquis de l'Hôpital ne le sait pas. Oui, c'est ça. C'est toujours cette idée de doubler, en fait, le fonctionnement de la diplomatie, par exemple, avec, eh bien, ce qu'on appelle espion, mais c'est simplement non. Ce sont des gens qui véhiculent du renseignement, Stéphane Genet. Oui, alors, il faut savoir que personne ne se revendique espion, au XVIIIe siècle. Espion est un terme infamant. C'est très déshonorant. Par exemple, il y a le chevalier du Bousquet qui enseigne à des officiers à l'école royale qui dit, excusez-moi de devoir vous parler des espions. C'est vraiment, par leur bassesse, je ne devrais pas vous en parler, mais vous devez quand même savoir des choses sur eux. C'est vraiment des gens qu'on n'apprécie pas, qui sont déconsidérés, dont on a besoin, mais personne ne se revendique espion. D'ailleurs, nous, un souverain n'a pas d'espion, lui, il a des agents. Les espions sont toujours ceux des autres. Ouais. Et ça, c'est intéressant, toujours ces questions de vocabulaire. Et quand il est question de vocabulaire, autant ouvrir un livre. Bah tiens, l'encyclopédie. Espion, art militaire. Est une personne que l'on paie pour examiner les actions, les mouvements, etc. d'une autre armée et surtout pour découvrir ce qui se passe dans les armées. Pierre-Marie Baudouin qui lisait ce que l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert expliquait pour ce mot espion. Nous sommes en 1778. Stéphane Genet, dans cette définition, il y a le mot militaire qui est au cœur de cette question d'espion. Les espions des Lumières, action secrète et espionnage militaire sous Louis XV, c'est votre ouvrage. L'espion est militaire en soi, avant tout. Déjà, il y a cette vieille utilité de l'espion pour connaître le mouvement des troupes, ce qui se passe ailleurs, les défenses d'une ville. Oui, c'est vraiment, et c'est quelque chose qui est quasi indissociable, en particulier pour le XVIIIe siècle, c'est-à-dire que il n'y a pas d'espionnage qui ne soit pas lié de près ou de loin à la chose militaire. Alors, par extension, on va commencer à parler d'espionnage pour des choses qui vont être les mouches de la police, d'espionnage de cour, un espionnage de maison aussi, mais c'est vraiment de l'extension, c'est-à-dire que le premier sens, et d'ailleurs ça se trouve dans tous les dictionnaires, effectivement l'encyclopédie, bon bah, en plus c'est un spécialiste de la chose militaire qui a écrit l'article, mais on a dans les dictionnaires de Furtière et dans tous les dictionnaires de l'époque, l'espion c'est celui qui est envoyé espionner l'ennemi dans le cadre d'une opération militaire, ça c'est incontestable. Et c'est d'ailleurs pour cela que cette période du XVIIIe siècle est aussi intéressante, c'est parce que des opérations militaires, il y en a beaucoup, nombreuses, sur des terrains très variés. Il ne faut pas perdre de vue qu'on a quand même la Première Guerre mondiale au XVIIIe siècle, qui est la guerre de 7 ans, avec des espions qui vont agir en Nouvelle-France, qui vont agir en Inde. On va avoir aussi, évidemment, sur les terrains allemands, italiens, en Angleterre, avec la vieille lune du débarquement en Angleterre. Enfin bref, on a des terrains extrêmement variés d'action de l'espionnage. Alors, on a beaucoup parlé du secret du roi, mais en fait, le secret du roi n'est pas vraiment de l'espionnage, c'est vraiment une diplomatie parallèle et qui est sulfureuse dans le sens où elle n'a pas justement ce que j'ai expliqué tout à l'heure, l'autorisation, elle n'agit pas dans le cadre officiel reconnu de la diplomatie, et c'est en cela que effectivement elle s'éloigne des canons habituels des règles diplomatiques, mais on est vraiment sur de la diplomatie parallèle, et c'est à ce titre je pense que Déon aurait mal apprécié d'être qualifié d'espion. Absolument. Alors ça, donc, nous préserverons de cela pour ne pas offusquer le chevalier Déon et surtout pour respecter, en fait, ce qu'il était réellement. Evelyne Levert, d'ailleurs, c'est dans le cadre de cette diplomatie parallèle qu'il est envoyé à Londres après son Absolument. Succès en Russie. Et parce que d'abord, la tsarine lui a proposé d'être à son service, il a refusé, et après 4 ans passés en Russie, eh bien, il a passé 2 ans à l'armée et en 1762, eh bien, il est parti pour Londres à la demande du roi, tout à fait officiellement, en tant que secrétaire d'ambassade, parce que le duc de Nivernais, qui était ambassadeur extraordinaire pour négocier la paix à Londres, une paix qui est dramatique pour la France, mais enfin, ça, le problème n'est pas là, il est secrétaire d'ambassade et il seconde d'une façon tout à fait intéressante et tout à fait officielle le duc de Nivernais, qui vraiment l'apprécie énormément, et le duc de Nivernais est tellement content de lui qu'il l'envoie porter le traité au roi Louis XV, et après Nivernais obtient qu'il soit résident par intérim en attendant le futur ambassadeur. Donc il est officiellement ministre plénipotentiaire. C'est une promotion absolument extraordinaire. Bon, mais comme il fait partie du secret, le roi lui envoie une lettre signée de sa main en lui disant qu'il faut qu'il procède avec quelqu'un d'autre et avec toute une équipe au relevé des côtes britanniques, car le roi pense à une guerre de revanche contre l'Angleterre et à un débarquement. Alors là, il a une mission secrète dans le cadre du secret, et là, il dépend uniquement du roi, qui a comme ministre du secret le comte de Breuil. Alors, Déon est absolument ravi, il a cet ordre signé du roi, et le roi lui dit de prendre un logement à part de l'ambassade et de conserver très précieusement tous les documents qu'il aura. Donc c'est une mission de confiance et c'est pas une mission d'espionnage. Mais enfin, il y a un certain chevalier de la Rosière qui arrive et puis qui va commencer ce travail en vue d'un débarquement. Alors, de ce fait, il a un chiffre particulier, donc il est un agent actif. C'est-à-dire qu'il a son propre code à lui. Il a son propre code à lui. On ne peut pas déchiffrer ses lettres. On ne peut pas déchiffrer ses lettres. Bon. Alors, il devient un personnage important, ça lui monte à la tête, et il mène une vie extrêmement fastueuse. Bon, et on lui annonce l'arrivée de l'ambassadeur officiel. C'est un certain comte de Guerchy. Et là, on lui annonce que, il va rétrograder parce que ça dépend du ministère des Affaires étrangères et pas du roi. Et on lui annonce qu'il va redevenir secrétaire d'ambassade. Et le comte de Guerchy, bon, c'est quelqu'un de pas très subtil. Et Déon sait qu'il va faire tout le boulot de l'ambassadeur et ça le rend fou. Et il écrit une chienne de lettres, je mets chienne de lettres parce que c'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire le comte de Choiseul Praslin, eh bien, en lui disant, mais vous vous souvenez pas d'où vous venez et où jusqu'où voulez-vous aller? Et là, il dit, évidemment, je ne suis pas noble, eh bien, je dois retourner à ma roture natale. Alors, il est d'une insolence folle et il multiplie les provocations à l'égard de l'ambassadeur, et il en fait tant que Choiseul Praslin, le ministre des Affaires étrangères, demande son rappel. C'est là qu'il commence à se déguiser en femme dans ses provocations. Ça va être plus tard. Des provocations. Enfin, il le provoque à l'ambassade même. Il est insolent avec lui. C'est ça. Il n'y a pas de provocation. Et alors, Déon considère qu'il ne doit pas rentrer en France, qu'il dépend du roi, et il attend l'ordre du roi pour revenir en France. Donc il reste à l'ambassade, et il continue à être d'une insolence absolument extraordinaire à l'égard de l'ambassadeur. Stéphane Genet. Oui, en fait, Déon est vraiment une erreur de casting en termes d'espionnage. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui ne correspond pas du tout à ce que l'on peut attendre pour des opérations secrètes qui doivent le rester, quelqu'un qui doit absolument se fondre dans le décor, il fait précisément le contraire. C'est ça qui est très intéressant, parce que ces espions, sont une évidence, mais nous le savons bien, que ce soit les espions des Lumières au XVIIIe siècle, que ce soit ceux de Louis XIV auparavant, et même encore, l'espion doit être discret, il doit être complètement invisible. C'est ça qui est important pour l'espion, c'est que si l'on le connaît aujourd'hui encore, si l'historienne connaît l'espion, c'est que il y a eu un échec, et pourtant c'est une évidence, il faut des espions, et c'est pas si difficile à avoir que cela. Vous savez, Mon Seigneur, de quelle conséquence il est d'avoir des espions? Sans quoi, on ne peut faire aucune espèce de guerre. Et quand on en rencontre un bon, on ne saurait le trop payer. Aussi, il ne m'a encore jamais été fait la moindre difficulté pour cette sorte de remboursement. Une lettre de Monsieur de Berquigny au comte d'Argenson en 1744, lue par Pierre-Marie Baudouin dans le cours de l'histoire sur France Culture, Stéphane Genet. Alors bien sûr, avec un peu d'argent, il est facile d'obtenir un espion. Dans ses motivations des espions, bien sûr, là encore, il n'est pas possible de généraliser, certains vont faire ça pour de l'argent. Y a-t-il aussi dans l'action un attachement au souverain, au royaume? Y a-t-il une action qui montrerait que, eh bien, l'espion montre sa fidélité au souverain? Oui, alors, en fait, l'argent, étonnamment, n'est pas la première des motivations. C'est-à-dire que j'ai fait des calculs pour voir ce que ça rapportait vraiment d'espionner. Et souvent, et notamment dans le cadre des marchands dont nous avons parlé, c'est très risqué. C'est-à-dire que ils risquent la saisie de leurs biens, la confiscation, l'expulsion de l'endroit où ils vivent. Et donc, l'espionnage, c'est tout sauf une opération rentable. C'est même particulièrement risqué pour eux. La plupart du temps, l'espion gagne pas grand-chose. C'est-à-dire que, effectivement, quand il est envoyé en mission, il va revenir avec une lettre de gratification, parfois 200 livres. 200 livres, c'est une belle somme hein, pour l'époque. Mais honnêtement, au regard des risques encourus, j'ai toujours considéré que c'était vraiment pas très bien payé. Forcément, il y a d'autres motivations. Alors, les motivations au XVIIIe siècle, on ne trouve plus beaucoup de motivations religieuses, contrairement au siècle précédent, ce qui est intéressant parce que on les trouve encore sous Louis XIV, ces motivations religieuses. XVIIIe siècle, non, on sent bien que voilà, c'est plus tellement ce qui va motiver. En revanche, on va trouver d'autres motivations. Alors, la fidélité au souverain, oui, ça s'observe, on va beaucoup jouer dessus pour recruter notamment les expatriés. Et de plus en plus, on retrouve des motivations nationales. Et alors ça, c'est la grande nouveauté du XVIIIe siècle, et je dirais surtout de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, au moment de la guerre de Sept Ans. On sent naître un sentiment national qui fait que cela permet de recruter facilement des espions, ou à l'inverse, de ne pas en recruter. Et alors, les Français qui combattent en Allemagne s'en plaignent énormément. Et d'ailleurs, ils disent, quelle que soit la somme que l'on offre, on ne trouve pas d'espions. Parce que, effectivement, les espions, au contraire, veulent servir la cause, enfin, tous ceux qui veulent apporter des informations veulent servir la cause de Frédéric II, qui est considéré comme le champion, le Prussien, le champion de la cause allemande. Et lui, il en trouve sans aucun problème des espions, mais les Français, ils n'en trouvent pas. Et alors, ils s'en désolent, ils écrivent de nombreuses lettres pour dire, mais on n'en trouve pas, on n'en trouve pas. Et ils n'arrivent pas à l'expliquer. C'est assez intéressant. Pour eux, c'est un fanatisme religieux. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à saisir qu'il s'agit du sentiment national. Et ça, c'est quelque chose que vraiment on trouve assez marqué. On le trouve aussi en Nouvelle-France, avec les Britanniques qui n'arrivent pas à trouver d'espions en Nouvelle-France, parce que, bah, tout simplement, les habitants de la province n'ont pas du tout envie de servir les Britanniques, et on pourrait presque dire qu'ils se sentent, alors pas français, mais en tout cas des sujets du roi de France. Et donc, ils n'ont pas du tout envie de servir les conquérants britanniques. Donc, c'est quelque chose que l'on sent, et on le sent poindre, et vraiment, bon, là, on est au tout début, mais c'est assez prégnant. Oui, non, mais c'est un élément intéressant hein, de ce sentiment national qui se développe de manière fascinante au 19e siècle, mais qui est déjà en germe dans ce 18e siècle. Et dans le cas du chevalier Déon, Evelyne Levert, nous l'avons bien compris, il n'est pas espion, il est diplomate, il est chargé de mission secrète. Voilà, il donne des informations au souverain et c'est complètement normal. Mais dans notre imaginaire, parce que nous sommes tributaires de tant et tant d'années du chevalier Déon travesti, il y a cette idée d'un homme qui se travestit pour espionner. Alors déjà, il n'est pas espion et ensuite le travestissement n'a aucun rapport avec sa fonction, absolument. Parce que là, Déon est saisi d'une véritable folie et comme vous disiez, c'est une erreur de casting parce qu'il a une personnalité qui est une personnalité absolument ingérable. Et il possède une lettre qui pourrait être un casus belli, puisque le roi a dit qu'il voudrait faire une descente sur les côtes, une guerre de revanche contre l'Angleterre et une descente sur les côtes anglaises. Donc, Déon attend une lettre personnelle du roi lui demandant de lui renvoyer tous ses dossiers. Et le roi est obligé de raconter les choses à Guerchy. Guerchy veut prendre les papiers. Déon ne veut pas les lui donner. Le roi demande l'extradition, mais les Anglais refusent l'extradition. Et Déon fait du chantage au roi en lui disant qu'il est prêt à passer au service secret britannique et de donner les documents au service secret britannique. Et il fait un avertissement au roi en publiant sa correspondance personnelle avec tous les diplomates qu'il a rencontrés. Donc il révèle des secrets d'État, là il est traître, il révèle des secrets d'État, mais il ne révèle rien de ses activités occultes. Alors ça fait un scandale en Angleterre, en France et dans toute l'Europe, et on voit Voltaire qui réclame les folies d'Éon. Et là, le scandale prend des proportions absolument incroyables. Ah oui, parce qu'avec les espions, nous sommes dans le monde du secret, mais avec le chevalier Déon, nous sommes dans une forme de diplomatie parallèle et secrète, bah alors au grand jour. Là, oui, on va extrêmement loin. Et il arrive, et je résume, à traîner le comte de Guerchy, son ennemi, l'ambassadeur qui était là pour justement lui dire de rentrer en France, eh bien, il le traîne devant le tribunal du banc du roi en l'accusant d'avoir voulu l'assassiner. Et il faudra l'intervention du roi d'Angleterre, George III, pour éviter le procès. Et George III prononcera un noli prosequi, c'est-à-dire on ne poursuit pas. Et Guerchy est obligé, lui, de rentrer en France. Mais à quel moment le chevalier Déon commence alors dans sa vie à s'habiller en femme ? Alors, on va négocier, le roi va négocier après avec lui pour qu'il rentre dans le rang et pour qu'il soit simplement un informateur. Et il rentre dans l'ombre. Et comme ça l'ennuie, c'est un homme qui veut tout le temps être sous les feux de l'actualité, c'est lui qui va faire courir le bruit qu'il est femme. Et ça va donner naissance à toute une autre histoire où il n'y a plus rien à voir avec ces renseignements politiques. Ça va donner naissance à tout ce mythe du chevalier Déon qui est une femme. Et ça va durer plus de 30 ans. Ça va durer plus de 30 ans, le chevalier Déon qui joue beaucoup de cette image, et c'est d'ailleurs une communication exceptionnelle, vu que nous en parlons aujourd'hui encore, vu qu'il est un personnage de notre patrimoine. Bon, ça se passe pas si bien que ça pour lui, parce que il continue sa vie en Angleterre, toujours déguisé en femme. Lundi prochain, 6 juillet 1795, à la salle des réunions de l'hôtel Birmingham de Londres, la célèbre chevalière Déon donnera un grand assaut d'armes et l'exacte représentation de l'attaque et de la défense avec une simple épée de combat à la main contre un gentleman anglais professeur dans l'art de l'escrime. Les portes s'ouvriront à 11h. Admission, dames et messieurs, 28 shillings. Mademoiselle, accepteriez-vous de combattre en uniforme de capitaine de dragon du roi ? Mille regrets, monsieur, mais j'ai promis à Sa Majesté Louis XV de ne plus quitter mes jupes. La bille de votre sexe. Et bien que Sa Majesté soit morte, je veux continuer à lui obéir. Très honnête, très vieille France, mademoiselle, mais les temps ont changé. Monsieur, un gentilhomme français, ancien ministre plénipotentiaire, n'a qu'une parole. Et ben voilà, il n'a qu'une parole. Énigme de l'histoire, c'était en 1957 avec le chevalier Déon en Angleterre. Juste en quelques mots, Evelyne Levert, c'est quoi cette histoire ? Le roi lui a demandé de s'habiller en femme ? Oui, non, parce que Déon a fait courir le bruit qu'il était femme et il voulait rentrer en France. Et quand Louis XVI est monté sur le trône, tant qu'il y avait Louis XV, il pouvait continuer son métier d'informateur. Louis XVI a supprimé le secret et rentrer en France, il risquait, avec tout ce qu'il avait fait, il risquait d'être emprisonné. Donc, le mythe de la femme exceptionnelle. Donc, on a réglé par un contrat absolument extraordinaire avec un autre animal extraordinaire qui était Beaumarchais. On a fait un contrat comme quoi Déon pouvait revenir en France à condition de porter les habits féminins qui étaient les siens puisqu'il se prétendait femme. Et là, il a vécu en France et il est retourné après en Angleterre où il a fini ses jours, où il se passait pour une femme. Mais c'est vrai que Stéphane Genet, vous nous l'avez dit, ce 18e siècle, ce siècle des Lumières, quand il est regardé du côté du renseignement et de l'espionnage, est celui de personnages remarquables. Il y a ce côté aventure, mais ce qui est vraiment très fin dans l'analyse, c'est de voir d'un côté ces aventuriers, le chevalier d'Eon, et de l'autre côté la mise en place d'une institutionnalisation des services de renseignement. C'est à la base de ce qui va se développer ensuite par la suite. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on a, et c'est d'ailleurs étonnant de voir cohabiter des figures qui sont pour certaines extrêmement rocambolesques, parce que des Déons, je dirais pas qu'on en a des dizaines, mais on y en a beaucoup au XVIIIe siècle. Alors lui, il est allé assez loin quand même. mais je pense que c'était, je pense qu'il y avait un petit problème de santé mentale hein, sur la fin. Oui, absolument. Et donc, il y a ces personnages-là, et à côté de ça, il y a, je dirais, des choses plus sérieuses, c'est-à-dire effectivement l'organisation d'un réseau. Et on sent bien d'ailleurs que, par exemple, les officiers, quand ils emploient des espions, ils évaluent quel est le danger du rocambolesque avec la personne qu'ils emploient. C'est-à-dire qu'il y en a certains dont on se méfie, dont on pense qu'ils sont peut-être pas très fiables, mais qui sont utiles quand même. Moi, j'ai en tête un exemple, c'est un Italien qui s'appelait Pazzetti, et qui est, alors lui, pour le coup, un beau parleur. Il passe son temps à envoyer des lettres, à se montrer comme étant un officier tout à fait intéressant, ayant beaucoup de connexions avec différentes armées, notamment des armées autrichiennes, et il cherche à rentrer au service de la France. Et finalement, bon, il va réussir à intéresser un officier qui l'emploie, et de fil en aiguille, il se retrouve envoyé en mission, une mission secrète en Pologne. Et alors, ce qui est très amusant, c'est qu'il n'a pas du tout envie d'y aller dans cette mission secrète, on le sent bien. Il essaie de trouver tous les prétextes pour ne pas y aller, et on voit bien que derrière tout ça, on a un beau parleur, on a quelqu'un qui se fait plus beau qu'il n'est, qui prétend avoir beaucoup d'informateurs dans différentes armées et qui probablement invente une partie des informations qu'il colporte. Et alors c'est très difficile à l'époque de faire la distinction entre les informations. La véracité de l'information est très compliquée à établir. C'est-à-dire qu'on est obligé toujours de se montrer méfiant, de croiser les informations, de les couper, les recouper. Et effectivement, certains aventuriers, alors là, clairement animés par le souci du gain, vont essayer de proposer des informations voilà, à un officier lors d'une campagne. C'est ça qui est l'intérêt de ce siècle des Lumières, c'est que nous avons des chevaliers d'Eon, des Casanova, des Beaumarchais, et puis nous avons cette mise en place de vrais services d'espionnage, les espions des Lumières. C'est votre ouvrage Stéphane Genet, et je cite aussi votre podcast Taki en histoire, parce que nous aimons aussi toutes les manières de diffuser l'histoire auprès du plus grand nombre. Et merci aussi beaucoup à vous Evelyne Levert, Le Chevalier d'Eon, Une vie sans queue ni tête. Et puis je rappelle Le grand amour de Marie-Antoinette, hein, ses lettres secrètes de la reine et du comte de Fersen, publiées chez Talendier. Mais nous avons appris hein, cette mise en place des services secrets, pour le dire simplement, sous Louis XV. Nous avons appris que Le Chevalier d'Eon avait une quicoute, qu'il n'était pas espion, non mais c'est vrai, et qu'il n'a jamais utilisé le travestissement pour obtenir des informations. C'est déjà énorme. Merci vivement à vous deux. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'une race ? Depuis une quinzaine d'années, le mot « race », que l'on croyait obsolète, a fait un retour spectaculaire dans le débat public. Il faut donc revenir sur le pourquoi du comment d'un terme qui a fait couler non seulement beaucoup d'encre, mais aussi beaucoup de sang. Dès la fin du XVe siècle, c'est la persécution des Juifs, orchestrée en Espagne par l'Inquisition, qui a enclenché le processus qu'on appelle aujourd'hui la racialisation des identités. Mais en France, c'est seulement dans les dernières décennies du XVIIe siècle que le mot « race » a commencé à être utilisé dans le sens que nous lui donnons aujourd'hui. François Bernier, un grand voyageur de l'époque, fut le premier à présenter un tableau de l'humanité dans lequel les groupes humains étaient vus comme des races, le terme étant utilisé ici comme un synonyme d'espèce humaine. Toutefois, celles-ci n'étaient pas encore définies par la couleur de peau, mais par leur origine géographique et par d'autres aspects de leur physionomie, en particulier les cheveux et les lèvres. À la même époque, le critère du sang a été mobilisé par Colbert à des fins fiscales. Pour échapper à l'impôt, les nobles durent prouver leur origine aristocratique en exhibant leur généalogie. La filiation et l'origine devinrent alors les principaux critères pour identifier la noblesse de sang comme une race détentrice de privilèges. Le mot « race » qui était peu employé jusqu'au début du XVIIIe siècle dans les colonies françaises fut progressivement pris en charge par l'administration locale pour imposer des mesures discriminatoires qui marquèrent les débuts d'une racialisation du droit colonial fondée sur la couleur de l'épiderme et sur l'origine des personnes. Cette nouvelle vision du monde affecta le discours savant sur les races, comme le montre clairement l'histoire naturelle de Buffon. Convaincu qu'à l'origine tous les hommes étaient blancs, il présenta la race noire comme le produit d'une dégénérescence de la race blanche, laquelle s'expliquait selon lui par différents facteurs, notamment l'influence du climat et des conditions de vie. Non seulement Buffon apporta une caution scientifique au discours sur les races, mais il conforta l'idée d'une inégalité fondée sur le critère de la civilisation. Tout en condamnant fermement l'esclavage, ce représentant éminent de la philosophie des Lumières contribua ainsi à répandre une nouvelle forme d'ethnocentrisme construit sur le clivage entre nous, les civilisés, et eux, les barbares ou les sauvages qui vivent encore en dehors de la civilisation. Au XIXe siècle, les médecins anthropologues comme Paul Broca multiplièrent les travaux pour tenter de définir les races à partir de critères physiques, sans jamais parvenir à établir des critères partagés par tous. Au moment de l'affaire Dreyfus, la droite et l'extrême droite diffusèrent une nouvelle définition de la race française, fondée non plus sur des données anthropologiques, mais historiques, à partir de l'enracinement multiséculaire d'un peuple dans son terroir. La lutte victorieuse contre le nazisme et l'effondrement de la domination coloniale eurent pour effet de discréditer le discours racial jusqu'à ce qu'il ressurgisse récemment pour nommer les problèmes que rencontrent les personnes issues de l'immigration post-coloniale. C'était Gérard Noiriel, merci vivement. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne-Tostienne Viudès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Sophie-Catherine Gallet. À écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.